Mesdames et messieurs, le tribunal va siéger. Le juge. Le ministère public contre Mafia Tressée. Les quatre prévenus sont-ils présents? Oui, votre honneur. Très bien. Accusé Sergem, approchez-vous. J'avance à la barre, tous me regardent, suis-je un phare? Je pars à mon flow starry, le juge se marie, me narre, crie lorsque je lance ma plaidoirie. Défends mes armoiries, mon crew, mon enfance blessée, laissée à la voirie, lésée. En France, ils vivent, c'est trop balèze, franchement, qui sent à l'aise, usé par le système, l'enfer, forcé de ruser, de se refaire. Je dis que la réalité, mon quartier, c'est pas un musée. J'ai rien à faire aux bandes accusées. Partout, y a du fun. Objection, c'est dur d'être jeune, on courbé dans la purée, sans subvention, c'est chum. On se retrouve vite au pied du muret, sans solution, sort son gun. Mais j'ai juré d'emporter la conviction de tous ces jurés. Mat notre vie de merde, paroles ni de l'aide. L'aide ardue, en dose le plus faible. Vite mise à nu ma prose. Ne demande pas d'aide, vois-tu mes choses. Je plaide pour la rue, mon macadam. La cime pour le mac des dames, la ruine. C'est votre dernier mot? Entendu. Et bien deuxième prévenu, Awak. Awak, si vous voulez, mais bon, vous êtes tout de même accusé d'association de malfaiteurs. Coupable, mais a-t-il la faute si je défrais la chronique? Le fait que j'aimerais la populace par des méfaits comiques. Café, j'en suis las, parfait. Je laisse les frais à l'état une fois le café. Place aux écoutes phoniques. J'ai des doutes sur le système en place, suis ma route. Ainsi j'aime la crasse, m'en foutre. Vois ce qu'il m'en coûte depuis 6 semaines, on me suit à la trace. La mort aux trousses, rien à foutre, même de vous en ce moment. Tout m'accuse, je dément. Démontre, refuse vos tests dément. Ruse, tu sais les moments. Les mots de tête hantent ma vie faite de romans. Les princes de la ville, je quête. Je veux m'en sortir, ça grince, on coince ma quête inutile. Mon sort empire, mon sort s'attire. Dehors le fond m'attire. Coupable de survivre à coup sûr, libre d'être acquitté. Je me délivre comme Kunta Kinte. C'est sûr ma chine m'a quitté. Je m'accroche mal abrité dans cette pièce mêlée. Parfois atteint de mégalomanie. Ma foi, il est mégaloman qui me touchera, me piquera au foie. Car mégalomanie, c'est dur mais je me plaie dans la rue. Je me paye dans la rue, je plaide pour la rue. Mademoiselle Diams, vous êtes accusée d'avoir poussé un gardien de la paix au suicide. Keuf. Comment? Un keuf. À qui vous adressez comme ça? Hey, juge à toi que je m'adresse. Juge l'adresse employée pour citer mon acte. J'ai envoyé la mafia déployer ses quatre atouts. La voix, lyrics, la haine et le manitou. On manie tout sans obstacle. J'explique à un keuf qui n'a pas de tact. Un pack au cerveau, la cime qui me sert ne vaut pas un clou. Mais un clou dans le crâne à coup de marteau, c'est le coup du siècle, j'étais quoi? Une réaction suspecte, il file d'une grecque de 16 biches. Tu ne me croyais pas capable du crime. Ce keuf déprime, miné par mes rimes. Trop tard, coupable, tiens ça à la barre. Tu veux me condamner, faut-il d'avoir usé de mon arme qui est la liberté d'expression. L'expression confirme que l'homme que j'ai visé est brisé. Il est mort. Mon souhait c'est tous les acharnés de la liberté fassent de même. Afin de brûler l'uniforme, non conforme à la norme. Un ange passe, signé Diams. Décidément, vous êtes irrécupérable. Il n'y en a pas encore attrapé l'autre. Bon, passons au dernier, Aspic. Les charges retenues contre vous sont accablantes. Bon allez, coupable. Coupable de quoi? D'être en bas, de regarder le ciel, vouloir grimper, poser un pied sur l'échelle, était un accès, une sortie, une voie au succès, un moyen de me hisser, crever l'abcès. Moi aussi je rêve de commettre des excès, excellent rap, espérant récolter les grappes, vite fait. Sinon, si on se retrouve ici, ce sera pour sacré méfait. Les faits sont contre moi. Accusé de quoi? J'ai pas esprit trop subtil, je crois. En tout cas, pour l'instant, je vois que ça. Les jeunes rejettent les défaites, kiffent les défis, ne se défilent pas une fois sous des faits. Toi de la bulle, y'aura des fracas. Les tracas sont les seuls rebondissements dans la vie de certains. Avenir incertain, cache pas enclenché pour périr libertin. Le destin vire vite quand on est sans rien, entouré de pépites. C'est le début du cycle qui ici se termine vite. Voici un beat brut pour les larmes cuites. On vécu de manière crue. Je me place dessus, je plaide pour la rue. On se plaide dans la rue, on se plaide dans la rue, on plaide pour la rue.